السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Donc bienvenue à tous, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Qu'Allah soit bien faisant envers vous. Donc on continue l'explication des paraboles du Coran. Hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu deux paraboles qui se trouvent dans surat Ar-Ra'd, donc surat le tonnerre. Et aujourd'hui, nous allons étudier deux autres paraboles qui se trouvent dans surat Ibrahim. Et surat Ibrahim, comme les savants l'ont mentionné, est une sourate mécoise. Et elle est entièrement mécoise. Et elle a été appelée sourate Ibrahim, car l'histoire du prophète Ibrahim, alayhi salam, y est mentionnée. Et concernant le hadith, où il est mentionné que celui qui lit sourate Ibrahim aura dit Hassanat et d'autres choses qui sont venues dans ce hadith-là. Comme les savants du hadith, ils l'ont mentionné, c'est un hadith qui est inventé. C'est un hadith qui est inventé. Donc il n'y a pas ce mérite-là, le fait que celui qui lit sourate Ibrahim a dit Hassanat. Il n'a pas ce mérite-là, car ce hadith-là est certes inventé. Et concernant les paraboles d'aujourd'hui, elles se trouvent dans le verset 24 à 27 de sourate Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Alam tara kayfa daraballahu mathala » كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la traduction rapprochée de ce verset, de ces versets, n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre, dont la racine est fermement ancrée dans le sol et dont la ramure s'élance dans le ciel, qui donne à tout instant ses fruits par la permission de son Seigneur. Ainsi Allah propose des paraboles aux hommes, afin qu'ils se souviennent et en tirent des exhortations. Quant à la mauvaise parole, elle est pareille à un arbre mauvais, déraciné et sans aucune stabilité. Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les transgresseurs, et Allah fait ce qu'il veut. Donc la première des paraboles concerne la bonne parole. Et ce qui est voulu par la bonne parole, c'est la parole d'unicité. La ilaha illallah. Comme l'a mentionné la majorité des savants du tafsir. Donc la majorité des savants du tafsir, ils sont d'avis que la bonne parole, dans cette parabole, ce qui est voulu, c'est la parole d'unicité. La ilaha illallah. Et tout bien, ainsi que toutes bonnes actions, sont le fruit du tawhid. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a comparé à un bel arbre fruitier dont la racine est fermement ancrée dans le sol et dont la ramure s'élance dans le ciel. Donc cet arbre a des branches qui contiennent des bons fruits et cet arbre est semblable à l'unicité et la foi. Dans le cœur du croyant, toutes les bonnes actions sont le fruit du tawhid. Et donc la foi ainsi que le tawhid sont ancrés dans le cœur du croyant. C'est donc la base et sa ramure qui est, ou plutôt qui sont, les bonnes actions. Et sa ramure qui sont les bonnes actions, et donc qui sont le fruit du tawhid et de la foi. Et la question qui peut se poser ici, c'est pourquoi le tawhid et la foi dans le cœur du croyant est semblable à l'arbre? Quel est le lien entre les deux? C'est-à-dire quel est le lien entre le tawhid et la foi dans le cœur du croyant et l'arbre? Et donc nous allons répondre à cette question en mentionnant plusieurs raisons. La première est que l'arbre possède des racines, un tronc et des branches, tout comme la parole d'unicité, La ilaha illallah. Ses racines sont la science et la certitude. Et elle possède aussi des branches qui sont les bonnes actions. Et elle possède un tronc qui est la sincérité, l'ikhlas. Et la deuxième raison est que l'arbre a besoin d'entretien pour qu'il reste vivant et qu'il puisse aussi continuer à donner des fruits et à être profitable. Il doit, par exemple, être abreuvé, tout comme la foi et le tawhid dans le cœur du croyant. La foi et le tawhid dans le cœur du croyant a besoin d'être abreuvé par la science profitable et les bonnes actions qui vont faire vivre le cœur du croyant et va permettre au tawhid et à la foi de perdurer. Et la troisième raison est qu'il se peut qu'à côté de l'arbre poussent des fourrés ou des végétations qui ne sont pas de son espèce, ce qui risque d'être nuisible pour cet arbre et d'affaiblir sa productivité. Et donc il faudra les couper et les enlever pour que l'arbre ne périt pas. Tout comme le tawhid et la foi, il se peut qu'il y ait des choses qui soient nuisibles pour le tawhid et pour la foi. Il faudra donc les écarter. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la deuxième parabole, il dit, selon le sens, quant à la mauvaise parole, elle est pareille à un arbre mauvais, déraciné et sans aucune stabilité. Donc cette parabole concerne la mauvaise parole. Et ce qui est voulu par cela, c'est la mécréance et le polythéisme, comme l'a mentionné un bon nombre de savants du tafsir. Et le polythéisme et la mécréance, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. Et donc la mécréance et le polythéisme est semblable à un arbre plutôt, excusez-moi, déraciné, sans stabilité et sans vie. On ne peut rien en tirer. On ne tire aucun profit de cet arbre. Et tel est le cas de la mécréance et du polythéisme. Car l'action du mécréant est vide et sans profit. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, dans le verset 23 de sourate Al-Furqan, Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. En ce jour, nous considérerons leurs œuvres et les réduirons en poussière éparse. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction, Allah raffermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Et le raffermissement du serviteur vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus la foi et le tawhid sera ancré dans le cœur du serviteur, et plus Allah subhanahu wa ta'ala va le raffermir. Plus le serviteur aura une foi forte, et plus le serviteur parfait son tawhid, et plus Allah subhanahu wa ta'ala le raffermira. Il raffermira le serviteur au moment où il en aura le plus besoin, au moment où il aura le plus besoin de raffermissement. Que ça soit par exemple dans la vie d'ici-bas, lorsqu'il y aura des troubles, lorsqu'il y aura des passions, des ambiguïtés, Allah subhanahu wa ta'ala raffermira son serviteur. Et aussi dans l'au-delà, dans la tombe, lorsque les deux anges vont le questionner au sujet de son Seigneur, sa religion et son prophète, Allah subhanahu wa ta'ala raffermira les croyants par une parole ferme et ils répondront de la bonne manière. Au contraire des mécréants et des polythéistes qui n'avaient ni foi ni tawhid dans leur cœur, Allah ne va pas les raffermir et ils ne pourront pas répondre aux questions des deux anges. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il dit وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. Il dit selon la traduction tandis qu'il égare les transgresseurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala en conclusion de ces deux paraboles il dit وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Et Allah, selon la traduction, et Allah fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut et il égare qui il veut. Et c'est lui le sage, subhanahu wa ta'ala. Donc après avoir fait l'explication de ces paraboles et de ce qui est voulu par ces deux paraboles, nous allons mentionner quelques enseignements. Donc nous allons mentionner quelques enseignements de ces deux paraboles. Donc le premier enseignement est que le raffermissement du serviteur vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les preuves à cela sont nombreuses. Parmi ces preuves, nous avons le verset 74 de sourate Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ولولا أن ثبتناك لقد كدت إليهم شيئا قليلا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli pencher quelque peu vers eux. Et l'éminent savant, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il dit une parole très pertinente et pleine de sens concernant le tefsir de ce verset. Il dit, je cite, « Il y a dans ces versets une preuve concernant l'énorme besoin du serviteur du raffermissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit sans cesse implorer son Seigneur de le raffermir dans sa foi et de s'évertuer, de mettre en œuvre tous les moyens pour y parvenir. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la créature la plus complète, Allah lui a dit, selon la traduction, « Si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli pencher quelque peu vers eux. » Ensuite, il finit sa parole en disant le shir, rahmahullah, « Alors que dire d'autrui ?» Fin de citation. Et une autre preuve, nous avons une autre preuve, que le raffermissement vient d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 120 de sourate Hud. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa kullan naqussu 'alayka min anba'i ar-rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction rapprochée, tous les récits des messagers que nous te racontons sont destinés à raffermir ton cœur. Malgré cela, malgré que le raffermissement vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a des causes. Le raffermissement d'Allah a certes des causes. Et parmi ces causes, il y a obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'écarter de ses interdits, s'écarter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Et la preuve de cela réside dans le verset 66 de sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ولو أنهم فعلوا ما يوعظون ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Allah, il dit selon la traduction, si ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été meilleur pour eux et plus à même de raffermir leur foi. Donc ça, c'est concernant le premier enseignement. Et le deuxième enseignement qu'on tire, on tire de ces paraboles ce qu'a mentionné l'éminent savant Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di. Il dit, je cite, « Ces versets indiquent l'épreuve de la tombe, son châtiment et ses délices. » Fin de citation. Et le Cheikh, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a mentionné cela dans le tefsir de la parole d'Allah selon le sens « Allah raffermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les transgresseurs et Allah fait ce qu'il veut. » Et le troisième enseignement qu'on peut tirer de ces paraboles est que le tawhid et la foi ont certes besoin d'entretien, tout comme l'arbre. Donc il faut que le musulman fasse les causes nécessaires pour préserver sa foi et pour préserver son tawhid. Et les causes à cela sont nombreuses. Parmi ces causes, il y a l'apprentissage de la science religieuse, Il y a aussi faire des bonnes œuvres. Et il y a aussi une troisième cause. C'est ne pas écouter n'importe qui et n'importe quoi sous prétexte qu'il parle de la religion ou sous prétexte qu'il parle bien, qu'il porte la sunna, etc. C'est pour cela que nos pieux prédécesseurs n'écoutaient pas ce que disaient les innovateurs. Tout ceci pour préserver leur propre personne de l'égarement, malgré leur piété et malgré qu'ils avaient une bonne compréhension des textes et de la religion, ils ne prêtaient pas l'oreille à n'importe qui. Ils ne prêtaient pas l'oreille à n'importe qui. Et vous connaissez tous le Afar qui mentionne qu'une personne parmi les gens des passions est venue voir un des pieux prédécesseurs, et si je me trompe pas, c'est Ibn Sirin, qu'Allah lui fasse miséricorde, et lui a dit à Imam, Aqra alayka aya, ô Imam, je te lis ne serait-ce qu'un verset. Qala la, walaw nisf aya. Il lui a dit non, et même pas un demi-verset. Et la personne qui essaye de méditer sur ce affaire, forcément il va se poser une question. Il va se dire, mais comment ça se fait que cet imam, malgré qu'il est arrivé à un grand rang dans la piété et dans ce qu'on appelle zuhd, c'est-à-dire l'ascétisme, etc., il refuse qu'on lui lise un verset du Coran. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala préserve le Coran de la falsification et de la modification. Donc de quoi a-t-il peur? Dans le fait que cette personne va lui lire un verset du Coran. Et les savants, ils ont expliqué que même les pieux prédécesseurs refusaient d'entendre le Coran des gens des passions. Car c'est possible qu'en entendant, en écoutant et en prêtant l'oreille à leur récitation, ils soient peut-être touchés par leur récitation et ensuite ils finiront par accepter leurs innovations et leurs faux. Telle est la situation et telle est la méthodologie des pieux prédécesseurs. Alors que dire de nous? Nous ne sommes pas arrivés à leur rang et à leur degré. Et malgré ça, nous voyons certains jeunes ou certaines sœurs passaient beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à prêter l'oreille, à prêter l'attention à des gens qui ne sont pas sur le droit chemin, sous prétexte qu'ils s'habillent bien, sous prétexte qu'ils parlent bien, sous prétexte qu'ils récitent bien le Coran, et ils prête attention à ce qu'il mentionne, jusqu'à ce que peut-être ça rentre dans son cœur. L'ambiguïté rentre dans son cœur et cette personne finit par la suivre et à dire aussi ce genre de choses. Et ceci est très dangereux. La personne se doit de préserver sa foi et de ne pas prêter attention, et de ne pas prêter l'oreille à n'importe quoi, et de prendre sa religion de gens de confiance. هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين. Cette science est une religion. Regardez de qui prenez-vous votre religion. Nous voyons un grand laxisme chez certains musulmans lorsqu'il s'agit de la science religieuse. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, d'argent, de commerce, etc., nous les trouvons plutôt bienveillants. Lorsqu'il veut investir, par exemple, de l'argent, d'accord, pour un commerce, qu'est-ce qu'il fait? Il va se renseigner sur son associé. Est-ce que c'est quelqu'un de confiance? Est-ce que c'est un rachash? Est-ce que c'est quelqu'un qui qui vole l'argent? Est-ce que c'est quelqu'un qui trompe? Etc. A-t-il un bon comportement? Comment est-il connu? Est-il sur la droiture? Il va se poser toutes ces questions. Il va même mener son enquête. Mais quand il s'agit de la religion, nous ne trouvons pas cette bienveillance et nous ne trouvons pas cette chose-là. Alors qu'en vérité, la personne doit plus prêter attention et doit faire plus d'efforts pour prendre la science, pour prendre la science des gens de confiance. Et ceci est une obligation de prendre la science des gens de confiance, des gens qui sont connus pour leur droiture et pour être sur le droit chemin. Et il est certes interdit d'écouter n'importe qui, car ceci mène à l'égarement et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons le secours. Donc avec ça, on a fini l'explication donc de ces deux paraboles et demain, inshallah, on continuera sur notre lancée concernant l'explication des paraboles du Coran. Naam.